Paraphrase du psaume 145. N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde. Sa lumière est un ver, et sa faveur, une onde que toujours quelque vent empêche de calmer. Quittons ces vanités, lassons-nous de les suivre. C'est Dieu qui nous fait vivre, c'est Dieu qu'il faut aimer. En vain, pour satisfaire à nos lâches envies, nous passons auprès des rois tout le temps de nos vies, à souffrir des mépris et ployer les genoux. Ce qu'ils peuvent n'est rien. Ils sont comme nous sommes, véritablement hommes, et meurent comme nous. Ont-ils rendu l'esprit? Ce n'est plus que poussière que cette majesté si pompeuse et si fière, dont l'éclat orgueilleux étonnait l'univers. Et dans ces grands tombeaux, où leurs âmes hautaines font encore les veines, ils sont mangés des vers. Là se perdaient ces noms de maître de la guerre, d'arbitre de la paix, de foudre de la guerre. Comme ils n'ont plus de sceptre, ils n'ont plus de flatteurs, et tombent avec eux d'une chute commune tous ceux que leur fortune faisait leurs serviteurs.